Histoire de la littérature grecque par Maurice et Alfred Croisset. Tome 5. Chapitre 3. Extrait des pages 467 à 473. Dion de Pruse, sa vie. Né vers l'an 40, après Jésus-Christ à Pruse, en Bithynie, Dion appartenait à une des premières familles de sa ville natale. Depuis plusieurs générations, cette famille avait compté des orateurs et des hommes d'affaires, qui avaient été en crédit à Rome auprès des empereurs. Elle avait acquis ainsi une fortune considérable, représentée par des domaines en Bithynie, mais, à plusieurs reprises, elle l'avait diminuée ou compromise par des largesses excessives. Le père de Dion, Pasicrates, était un des citoyens marquants de Pruse, revêtu des plus hautes charges de la cité et comblé d'honneurs. Dans ce milieu, le jeune Dion dut grandir avec la pensée de jouer un rôle dans le monde par la parole, et il n'est pas douteux qu'il s'y prépara de son mieux. Doué d'une éloquence naturelle, que l'éducation eut bientôt développée, il obtint de grands succès oratoires dans toute la première partie de sa vie, qui nous est à peine connue, c'est-à-dire sous les règnes de Vespasien, de Titus, et pendant les premières années de Domitien. Sans doute, sa réputation avait dû se faire d'abord en Bithynie, dès la fin du règne de Néron, mais, comme tous les maîtres d'éloquence du temps, lorsqu'il se sentit sûr de lui, il alla chercher la renommée de ville en ville. Nous le voyons à Rhodes, à Ilium Novum, lui-même atteste qu'il est allé en Égypte. Nous pouvons donc être sûrs qu'il voyagea beaucoup en ce temps, et il est certain qu'il fit alors un assez long séjour à Rome. Dans l'intervalle de ses voyages, il revenait dans sa ville natale et y apportait l'éclat grandissant de sa renommée. Il eut alors des disciples, parmi lesquels le plus illustre fut le Gaulois Favorinus, dont nous parlerons plus loin. C'est vers ce temps, probablement sous Vespasien ou Titus, qu'il se maria et perdit son père. Le soin de ses affaires à régler ses nouvelles affections de famille durent alors le retenir plus régulièrement à Pruse. Là même, il lui a usé de tout son talent pour désarmer certaines jalousies et lutter, une fois au moins, contre un mouvement populaire. Mais un bien autre danger le menaçait. Il avait lié amitié à Rome avec plusieurs grands personnages, et notamment avec un des parents de Domitien, qui semble avoir été Flavius Sabinus. Celui-ci fut mis à mort en 82 par le nouvel empereur, qui crut voir en lui un prétendant possible à l'Empire. Les relations que Dion avait eues avec Sabinus, et peut-être des paroles trop libres, le rendaient suspect. Il fut éloigné par mesures administratives, avec interdiction de se montrer ni en Italie ni en Bithynie. Cet exil dura 14 ans. Dion dut abandonner Pruse, où il laissait sa femme avec son jeune fils, et des intérêts gravement compromis par son absence. Pour être oublié, il se fit pauvre et vagabond. Il erra par la Grèce, vivant avec les gens du peuple et relisant pour se consoler les deux seuls livres qu'il eut emportés avec lui, selon Philostrate, le Phédon de Platon et le discours de Démosthène sur l'ambassade. Malgré sa faible santé, son courage, bien loin de faiblir dans cette dure épreuve, s'y fortifia au contraire merveilleusement. La misère et le danger lui révélèrent à lui-même ce qu'il y avait au fond de son âme de philosophie latente. Contraint de renoncer à tout ce qu'il avait recherché jusque-là, il sentit que rien de tout cela n'était indispensable à un homme de cœur, et sa conception de la vie en fut totalement changée. De rhéteur, Il devint philosophe. Pour donner un objet à l'activité de son intelligence, il entreprit d'écrire un livre sur les Geths, qui inquiétaient alors la frontière romaine du Danube, et, voulant s'informer d'eux, il se rendit dans les pays avoisinants, en particulier chez les Grecs demi-barbares de Borysthénis. Il semble qu'à certains moments, le ressentiment de Domitien se soit, sinon apaisé, du moins assoupi, car certaines villes grecques ne craignirent pas d'inviter l'illustre proscrit à venir chez elles, offre qu'il déclina d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, Dion, non seulement ne fit rien pour fléchir son ennemi, mais il déclare même qu'il écrivit alors contre lui. Cette période de misère prit fin en 96, par la mort de Domitien. Le nouvel empereur, Nerva, connaissait Dion et l'aimait depuis longtemps. Peut-être celui-ci venait-il de contribuer à le faire reconnaître par les légions du Danube. En tout cas, l'exilé rentra triomphalement dans sa patrie, et peu après se rendit à Rome, pour y saluer son tout-puissant ami. Il y tomba gravement malade, et Nerva mourut, sans que Dion eût pu mettre à profit sa bienveillance. Alors commença, dans la vie de Dion, une dernière période, qui semble avoir duré à peu près autant que le règne de Trajan, et qui fut la plus active et la plus brillante. Revenu à Pruse, il y avait rétabli ses affaires, et s'il eut plus d'une fois des ennuis avec ses concitoyens, à propos de constructions dont il s'était chargé, ce ne furent en somme que de légers tracas sans conséquences graves. En changeant de fortune, il ne changea pas de caractère, il était devenu philosophe dans l'affliction. Le surnom de Coxeanus, que Dion prit sans doute quand il devint citoyen romain, se rattache évidemment à ses relations d'amitié avec l'agent Coxea, dont Nerva faisait partie. Il resta philosophe dans la prospérité, mais, après l'avoir été pour lui-même, il le fut pour les autres. Ses dernières années furent consacrées à des voyages qu'on serait tenté d'appeler des missions. Ce fut alors qu'il prononça les plus beaux discours que nous ayons de lui. Il allait de ville en ville, à la façon des sophistes, précédé par une immense réputation, qu'il devait à la fois à son éloquence et à ses malheurs. Il paraissait devant de nombreux auditoires, tantôt dans un théâtre, tantôt dans le lieu des assemblées populaires, vêtu en philosophe, et là, profitant hardiment de l'autorité que lui assurait son âge, sa profession, son talent et la faveur impériale, il faisait la critique de ceux qui l'écoutaient. Son succès semble avoir été éclatant. Il parla ainsi à Apamée, à Tars, à Alexandrie, et certainement en beaucoup d'autres lieux. Appelé à Rome par Trajan, qui avait pour lui une haute estime, il prononça devant l'empereur deux discours au moins sur les devoirs du prince. Il dut mourir vers la fin du règne de Trajan, après avoir perdu sa femme et son fils. Dion avait beaucoup écrit. Un grand nombre de ses ouvrages sont perdus, notamment ses lettres et son histoire des Geths. Suidas lui en attribue plusieurs autres, dont nous ne savons rien. Stobé cite sous son nom trois passages extraits d'un recueil de Cruyès, et six fragments d'un Économique. En tout cas, sa réputation était attachée à ses discours, dont une partie considérable est venue jusqu'à nous. Markem Dan Archivorg d'après Gallica BNF FR.